Apparemment, la France a envie de bombarder une base qui est à Bamako et que ils ont montré des photos prises par satellite. Apparemment, Wagner, ce qu'ils appellent Wagner, est en train de s'agrandir et la France a envie et elle veut bombarder cette base. Et les Russes les ont avertis qu'il ne faut pas le faire parce qu'il y a déjà négociation. J'ai pris cette information des chaînes arabes et il y a des chaînes très sérieuses, donc ça raconte pas n'importe quoi. Déjà là, on voit qu'il y a un danger. Les choses vont s'aggraver en Afrique. C'est les États-Unis contre les Russes ou les Russes contre les États-Unis. Hein, on le pense comme on veut, mais actuellement, les choses. Afrique Média, le monde, c'est nous.